Voilà 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe. Quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeai dans le formol. D'abord, on a voulu me consolider la face. On se mit à me brosser, mâchoire temporale, suivi d'un shampoing au bicarbonate de potasse. Puis on me noise une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette. Journaux de télévision, il n'y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me baptisent un peu fort. Enfin, les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulurent me baptiser de par un nom latin. M'ont appelé Pithecanthropus Erectus. Erectus, ça va bien, moi qui étais chaud lapin. Pithecanthropus Erectus. Erectus, ça me va bien, oui. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vue d'un pitos ou d'une prémolaire, en clair que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. J'étais un virtuose du gourdin, qui assommait pison au roc et bonne fortune. Que j'étais doué pour les petits dessins, de Vénus qu'elle me pige, au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux, que j'étais couvert de poils, que je n'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matin, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages énières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà bien 3 millions d'années. Vous n'avez plus rien à craindre. Il n'y a plus de retombées.